L'évasion par Jacques Cézanne. L'enfant oublia sa fatigue. Au détour du chemin, se profilant sur le ciel d'or pâle, venait de lui apparaître une jeune fille drapée dans une sorte de péplum éclatant et qui portait sur sa tête une amphore. Elle s'acheminait doucement vers lui, sans le voir, dans un balancement harmonieux du corps, souriant à la splendeur du soir. Il tira de sa poche un carnet et s'écria « Mademoiselle, de grâce, arrêtez-vous un moment. Vous êtes belle comme une naïade de Messire Homérus, et je voudrais fixer vos traits. » Étonnée, la bohémienne regarda ce jeune gentilhomme qui était, certes, de bonne mine, mais dont les chausses et le pourpoint se trouvaient tout maculés de poussière, puis elle sourit à nouveau et répondit « S'il vous plaît, monseigneur. » Elle prit la pose qu'il lui indiquait. En quelques coups de crayon fiévreux, il l'eut bientôt campé sous le papier, souple, nerveuse, avec ses cheveux d'ébène, son teint bronzé, ses grands yeux de velours noir. « Voilà, » fit-il, quand il eut fini. Il arracha la feuille de son carnet et la tendit à la jeune fille qui jeta un cri d'admiration. « C'est mon premier portrait, monseigneur, mais il est si beau que je jure sur la Madone qu'on n'en fera jamais d'autre. » Il était flatté de l'enthousiasme naïf de la jeune fille. « Je suis bien malhabile encore, mais avec un tel modèle. Et maintenant, mademoiselle Ginetta, pour vous servir, monseigneur. Et moi, je m'appelle Jacques. Mademoiselle Ginetta, par miséricorde, donnez-moi un peu d'eau. J'ai fait 6 lieues à pied sous le soleil et je meurs de soif. 6 lieues ? D'où venez-vous donc ? De Nancy, que j'ai quitté ce matin par la porte Saint-Nicolas et je vais à Rome. À Rome, dans cet équipage. » « Et pourquoi non, je vous prie, belle demoiselle ? J'ai en poche un écu de 6 livres, plus un petit écu, sans compter 14 sous de monnaie de billon. Et quand je n'aurai plus rien, qui m'empêchera de gagner ma vie en faisant le portrait des bonnes gens que je rencontrerai sur ma route ?»« Certes, monseigneur. Il ne semble pourtant pas que vous ayez été jusqu'à présent dans la nécessité de gagner vous-même votre vie. »« Sans doute, mademoiselle Ginetta. Mais la nécessité est une seconde nature. » Faut-il vous confier que ma famille porte d'azur, à 5 étoiles d'or en sautoir, que mon père est premier héros de Lorraine, qu'il veut obtenir pour moi l'une des charges du duché, et que les grimoires ne sont point mon fait? Pas plus tard que ce matin, l'on m'a chassé de l'école pour avoir caricaturé le magistère, et de la façon la moins respectueuse, je vous assure. Alors, je n'ai pas osé affronter la colère paternelle. J'ai pris mes jambes à mon cou, et me voilà. Je veux aller à Rome, étudier sur place les fresques de Michel-Ange et de Raphaël. « Je connais Rome, Venise, Florence, » dit-elle. « Alors Ginetta, c'est le ciel qui vous envoie. » Elle sourit. « Vous avez soif, buvez. » Il but même l'amphore, et jamais boisson ne lui sembla aussi délicieuse. Puis il déclara « Maintenant, j'ai faim. » Elle le regarda de ses yeux sombres et réfléchit un moment. « Nous allons en Italie, nous aussi. » « Mais nous ne sommes que de pauvres bohémiens, monseigneur, et nous ne serions pas dignes de faire la route avec vous. » À travers les arbres, une appétissante odeur de cuisine arriva jusqu'à eux. Il interrompit Ginetta. « Voici par Jupiter qui sent divinement bon. Ce sont mes amis qui sont en train de rôtir quelques poules d'Inde sur des branchages non loin d'ici. Et que font-ils, Ginetta, vos amis? Les uns sont acrobates, les autres montrent des bêtes, jouent de la mandoline ou du violon. Les femmes travaillent l'osier et disent la bonne aventure. Moi, je danse. Et à l'occasion, on fait quelque peu ma base sur les poules d'Inde qui picotent trop près des grands chemins. Monseigneur, dit-elle en baissant les yeux, ne faut-il pas que chacun vive? C'est tout à fait mon avis. D'ailleurs, qui ne pille le voisin au siècle où nous sommes? Les princes en sont leurs sujets, les militaires écument les provinces, les procureurs, les abbés et les médecins ruinent leurs clients. Les marchands vendent à faux poids et à fausse mesure et renchérissent sur toute chose. Ginetta, conduisez-moi à vos amis. » Des hommes et des femmes étaient assis en rond, affublés de ripos bizarres. Les hommes avaient à la bouche de longs chalumeaux de terre que terminait une sorte de petit fourneau d'argent. De cet instrument, où se consumait lentement une herbe séchée, ils tiraient des bouffées de fumée odoriférante qu'ils rejetaient ensuite par les narines. « Il faut une place de plus à table !» s'écria Ginetta, je vous amène un convive. Oh, oh ! Pietro, le chef de la bande, qui avait une vraie figure de détrousseur de grand chemin. Où allait ce jeune seigneur quand tu l'as rencontré, Ginetta ? À Rome. Excusez du peu. Alors, comme nous retournons en Italie, je lui ai proposé de nous suivre, et il accepte. « Et quel tour sait-il faire pour entrer dans la confrérie ?» demanda ironiquement Pietro. « Car c'est ici l'usage que chacun met au service de tous son adresse et son savoir. »« Oh !» repartit Ginetta, « il pourrait faire n'importe quoi aussi bien que n'importe qui. »« Mais il a plus de talent à lui seul, dans sa petite main, que vous tous réunis. »« Voyez-vous cela, comme elle défend son nouvel ami. »« Flamme et potence, je serais curieux de juger cela par moi-même. »« Eh bien, jugez !» Elle montra le portrait que l'instant d'avant Jacques lui avait donné. Il était d'une si heureuse exécution, d'une ressemblance si frappante, qu'il eut dans le cercle le murmure le plus flatteur. Jacques venait de conquérir de haute lutte sa place à la table et au foyer. Au foyer errant des bohémiens. Libre de tout souci, harassé mais heureux, il s'endormit ce soir-là du plus beau sommeil qui fut. Il avait sur sa tête le firmament parsemé d'étoiles. Le vaste et mystérieux avenir s'ouvrait devant lui, et Ginetta était toute proche. Il ne regrettait ni l'austère demeure familiale, ni l'école où on lui faisait un crime de crayonner sur ses cahiers. Et voici, comme à 14 ans à peine, Jacques Callot, qui devait être le peintre le plus original et le plus grand graveur des temps modernes, commença, en l'an de grâce 1606, l'apprentissage de la destinée. C'était « L'évasion » par Jacques Cézanne.